Restez avec nous. On écoute Histoire vivante sur la première. Très bon après-midi. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special this evening, a recording for Blue Note Records. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Tout est venu des Caraïbes, le jazz est venu des Caraïbes, le rap, la salsa, tout ça c'est venu des Caraïbes. Le jazz, c'est une musique pour danser, c'est une musique populaire. Le blues, ça serait plus la musique de l'âme. Cette semaine, la Blue Note. I want to record for Blue Note. And of course, I told him yes. D'une renaissance à l'autre. Avoir le petit logo Blue Note sur son disque, pas beaucoup de musiciens de jazz qui refuseraient. Quelques histoires de jazz. The music, it's about collaboration and freedom. On est passé d'une écoute quasi audiophile de Chanifi à une écoute MP3 sur des smartphones avec des casques. Je ne suis pas du tout musicien, mais j'ai un cœur qui est sensible à ces musiques-là. Bonjour les amis suisses, je m'appelle Bruno Blum, je suis musicien, je suis également musicologue, dessinateur. Oui, alors moi j'ai même rajouté peintre, journaliste, photographe, puis là vous venez de m'apprendre, Bruno Blum, que vous allez devoir quitter ce studio rapidement pour aller corriger des copies, donc je dois rajouter non, quoi, professeur. Pour participer, à un examen d'entrée à l'école supérieure d'interprétation et de traduction de Paris. Car j'ai décidé de devenir interprète. Ça paye mieux que musicologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est que cette multiplication de casquettes en dehors des besoins de la casserole? Je crois que la vie est courte et qu'il faut être curieux et pratiquer des métiers différents. Et ça ne veut pas dire, en ce qui me concerne en tout cas, que je le fasse de manière dilettante, ni de manière négligente. J'essaye de faire les choses bien, quel que soit le domaine que j'approche. Alors il faut rajouter une autre corde à votre arc, librettiste. C'est un métier qui pouvait disparaître complètement, d'abord parce qu'on écrit beaucoup moins d'opéras, qu'on écrivait à un moment beaucoup moins de livrets de disques, avec la dématérialisation générale, et puis les GAFA n'ont peut-être pas le dernier mot, puisqu'il y a le retour du matériel, il y a le retour du vinyle, dont on écrit désormais de nouveau des pochettes. Le vinyle, je crois, ne revient pas. C'est une fausse résurrection? Je crois que c'est parce que la presse n'a rien d'autre à raconter et qu'on invente ça. Alors, il existe encore quelques petits magasins qui survivent, mais non, je crois que tout ça est un mirage. Je crois que les GAFA auront le dernier mot, ils sont en train de l'avoir. Il n'est plus possible aujourd'hui, malheureusement, de produire de la musique et de la vendre. C'est devenu très difficile, j'en sais quelque chose, je produis de la musique et on ne peut plus vendre de musique, on peut très difficilement jouer sur scène. Donc on est face à un problème culturel que j'estime majeur, car je crois que la place de la musique dans la société est majeure, et qu'elle est le reflet de la société, qu'elle est le reflet de la censure, éventuellement. C'est une censure économique qui, paradoxalement, montre que la musique est en accès libre partout sur Internet, et en même temps, comme dit le président, la pléthore, la multiplicité des musiques disponibles rend de plus en plus impossible le financement d'orchestres de jazz, d'orchestres de musique classique, d'orchestres de rock, etc. Et donc la médiocrité, du fait de ce manque de budget, la médiocrité gagne de plus en plus de terrain, et ça, je le déplore. Vous faites de la musique, vous jouez de la musique, vous enseignez la musique également? Je ne dirais pas ça, mais j'écris des livres et des livrets de disques compacts qui étaient en voie de disparition, disques compacts, qui sont des outils de référence pour les universités, tout simplement les gens curieux. Donc à ce titre-là, je peux dire que je participe à l'enseignement. Et il m'est arrivé de donner quelques masterclass, des conférences. Je donnais beaucoup de conférences, mais je ne suis pas enseignant, non. Des conférences dont les thèmes étaient fréquemment les mêmes ou avec une grande variété? Parce que quand on va regarder d'un peu plus près les collections sur lesquelles vous avez travaillé dans le domaine des livrets, c'est extrêmement large. Oui, enfin, je m'intéresse aux musiques populaires des États-Unis principalement et des Caraïbes notamment. Je suis un spécialiste de la musique jamaïcaine et de plus en plus un spécialiste des musiques des Caraïbes, qui, à mon avis, ont complètement façonné les musiques des États-Unis. Tout est venu des Caraïbes, le jazz est venu des Caraïbes, le rap, la salsa, tout ça c'est venu des Caraïbes, et ce sont des musiques qui ont également façonné toute la musique populaire occidentale. De Genève à Hong Kong, on écoute des musiques qui sont issues, qui sont à des dérivés de la musique des Caraïbes. Pourquoi? Parce que les Caraïbes sont un endroit où les Indiens d'Amérique les Européens et les Africains se sont rencontrés. Et leurs cultures se sont mélangées là, et elles ont des super pouvoirs parce qu'elles détiennent toutes ces cultures qui, en se mélangeant, sont devenues des super cultures, sont devenues des choses qui détiennent la magie, la spiritualité, l'intelligence. Et je crois que c'est pour ça qu'elles sont arrivées jusqu'à nous. Maintenant, vous allumez la radio, vous avez des musiques qui sont dérivées des musiques des Caraïbes, même si vous ne le savez pas forcément. Intéressons-nous à la manière dont vous, Bruno Blum, vous avez suivi ce chemin, parce que on peut imaginer que c'est d'abord passé par la musique, d'abord passé par les disques que vous écoutiez ou la pratique de l'instrument, avant de plonger véritablement dans les racines, dans une histoire, dans de la culture. Comment ça s'est fait pour vous ce cheminement-là qui vous permet aujourd'hui d'aller jusqu'à de la conférence? Vous me faites bien plaisir à vous intéresser à mon cas. Hein. J'ai plus l'habitude de parler d'autre chose que de moi-même, même si c'est mon sujet préféré que de parler de moi-même. En tout cas, c'est celui que vous devez connaître, de prime abord. Oui, je le connais peut-être mieux que tout ce que je raconte dans mes conférences, c'est vrai. Mais enfin, alors d'abord, je donne des conférences sur l'histoire de la musique jamaïcaine, et je pense que la raison pour laquelle j'en suis venu là, c'est peut-être parce que ma mère avait un disque de Harry Belafonte qui s'appelle Calypso, qui était un énorme succès dans les années 50. Stop, banana, Billy, morning, come. Et quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup ce disque et je l'ai beaucoup écouté, et il se trouve que Harry Belafonte était un Jamaïcain. Et ça a sans doute quelque chose à voir avec ça, et puis le fait que j'ai eu un prof noir à l'école, que j'ai eu un très bon copain noir à l'école primaire, a certainement joué un rôle aussi. Mais plus généralement, je viens d'une famille qui s'est toujours intéressée au jazz, pour qui le jazz a été un symbole de liberté. Ma famille a beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, et le jazz a été pour elle, et je pense aussi pour ma grand-mère, qui est née bien avant la Deuxième Guerre mondiale, un symbole de liberté. Ma grand-mère dansait le Charleston dans les années 20, ce qui n'était pas très courant pour une femme blanche à cette époque-là, surtout en France. Donc je crois qu'il y a un lien, puisque ma famille aime beaucoup la musique, et certains, j'ai une cousine chanteuse, etc., etc., et on est plusieurs à s'intéresser à ça. Ceci étant dit, je crois que ma force, si j'ai une force, c'est que je m'intéresse aux arts, c'est que je m'intéresse d'abord à l'art graphique, puisque je suis dessinateur. Je viens de sortir un magnifique album de BD qui s'appelle Rock'n'Roll Comics, qui retrace justement mon histoire personnelle. Quand je suis parti, adolescent, délinquant français, autodidacte, travailler à Londres dans un studio de dessin animé. Et c'est là, en 1977, que j'ai rencontré... alors j'allais beaucoup à des concerts de rock, etc., comme on le faisait quand on est adolescent. Et j'ai rencontré le rock punk, qui était en train de retourner complètement toutes les valeurs du rock et de la musique populaire en général. Et je me suis rapproché de beaucoup de ces musiciens punk, je les ai connus, je suis devenu journaliste. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un grand nombre d'artistes très célèbres, ou qui n'étaient pas forcément célèbres quand je les ai rencontrés, et que j'ai collaboré avec les Stray Cats, avec le Clash, avec les Rolling Stones. Stray Cats, John, I'm a police guy. Should I stay or should I go? Please allow me to introduce myself. I'm a man of a wealth and taste. Des artistes de reggae, avec alors je les ai interviewés, mais j'ai aussi fait des dessins pour eux. Dans mon album Rock'n'Roll Comics, notamment, j'ai fait un comics avec Madness, qui est dans le bouquin. J'ai travaillé avec Motorhead, que j'ai fait découvrir aux lecteurs de Best, magazine pour lequel j'écrivais à l'époque, et qui était très très lu par la jeunesse. We are Motorhead, and we play rock'n'roll. Et progressivement, je me suis plongé de plus en plus dans les musiques populaires, et notamment dans la musique noire, ce qui ne m'a pas empêché de continuer mes activités de dessinateur, et puis d'écrire, puisque j'avais jamais prévu ça, moi, j'étais dessinateur. Et je suis devenu musicien, j'ai monté un groupe punk avec deux personnes qui étaient métisses en l'occurrence. Et de fil en aiguille, je me suis de plus en plus intéressé aux musiques afro-américaines et j'ai compris leur importance. Ça, c'est l'histoire, ma petite leader. Je l'ai rencontré par hasard. Dans un bar ou un showbar, j'ai joué un drôle de rôle dans un groupe de rock'n'roll. Évidemment, j'ai craqué sur sa guitare. Je lui ai dit, il faut que je m'en parle. Bruno Blum, l'histoire. l'histoire de ma guitare en 1990. On va venir, Bruno Blum, à une relation qui ne date pas d'hier. C'est la relation avec la maison Frémo et compagnie. Alors, c'est quelqu'un qui a développé depuis sans doute maintenant une bonne trentaine d'années une approche quasiment muséographique à titre privé. Et il a monté son propre musée, comprenant tout ce que sonore peut vouloir dire, aussi bien dans le domaine musical que dans le domaine parlé, que dans le domaine chanté, etc., etc. Vous rencontrez Patrick Frémo à quelle occasion ? J'ai droit à un rendez-vous par an, et on va à l'affreuse pizza du coin. J'ajoute que Patrick Frémo est aussi propriétaire d'un important stock d'art graphique, qu'il a une galerie à Vincennes, à côté de Paris, et qu'il expose de très grands artistes, souvent un peu méconnus, souvent des artistes, on va dire, de série B, mais qui n'ont de série B que le nom, puisque leur talent n'est juste pas à la hauteur de leur notoriété, qui est un peu faible souvent, mais pas toujours. Il a fait une exposition de Miro récemment, par exemple. Non, c'est un type très intéressant qui a deux particularités. C'est qu'il s'intéresse réellement à la culture et qu'il ne vise pas des objectifs de rentabilité, forcément. Quelques-unes de ses meilleures ventes lui permettent de tenir le coup, mais de moins en moins, malheureusement. Et d'autre part, qu'il refuse toute subvention et tout contrôle des autorités, de l'État. Donc il est une sorte d'électron libre, comme ça, qui a réussi à tenir le coup jusqu'ici, mais malheureusement, la disparition du CD est de plus en plus préjudiciable à la liberté d'expression de Frémo, comme d'autres musiciens, et ça, c'est vraiment très triste, parce que rien n'est fait pour que ça change, et je crois que la grosse différence entre un CD et des musiques ou des conférences ou des dialogues de films ou tout ce que vous voudrez, des cours en ligne, c'est que vous n'avez pas la discographie à disposition, comme c'est le cas dans le livret, et que vous n'avez pas l'histoire d'une musique. Moi, par exemple, j'ai fait un coffret qui s'appelle The Color Line pour l'exposition du musée au Quai Branly, sur donc l'histoire de la ségrégation raciale aux États-Unis et aux Caraïbes, et si vous allez chercher des morceaux qui se trouvent sur ce coffret, vous pourrez sans doute les trouver ici ou là sur Internet, mais vous n'aurez pas l'éditorialisation de tout ça, c'est-à-dire l'histoire de tout ça. On vous rétorquera que rien n'empêche à vous, en tant qu'utilisateur, d'aller la chercher, cette référence. Ben, vous la trouverez notamment sur le site de Frémo lui-même, puisque tous les livrets sont en ligne sur le site de Frémo et Associés. Je vous invite à aller voir un petit peu les livrets. Il y a aussi tout le dossier de presse de chaque album. Enfin, c'est un travail énorme, parce qu'il y a des milliers de références chez Frémo, et pas seulement l'histoire du jazz, du blues et du reste. Il y a aussi des cours d'histoire, des livres lus par leurs auteurs, etc., etc., des dialogues de Pagnol, tout ce que vous voudrez. Everything seems lovely when you start to roam. The birds are singing the day that you stray, but wait until you are further away. Things won't be so lovely when you're far from home. Here's what you keep saying when you're all alone. Mammy. My mommy? Mammy. Al Johnson. The sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. On vient à Color Line, si vous le voulez bien, Bruno Blum. Vous avez fait le livret de ce coffret de 3 CD. Feignant, stupide, lubrique, voilà les 3 adjectifs à coller au noir. Il doit y en avoir encore une très grande collection. Le racisme, pour vous citer, est profond et banal. Il y a un mouvement, ça va être intéressant que vous nous en parliez, parce que je ne pense pas qu'il soit véritablement très connu des auditeurs, qui est le Blackface Minstrel, qui apparaît, si mes lectures sont justes, au début du 19e, à peu près vers 1820. Qu'est-ce qu'il regroupe, ce mouvement du Blackface Minstrel ? On ne pouvait pas, quand on était noir au 19e siècle, jouer au théâtre. Ce n'était pas possible, c'était réservé aux comédiens, donc aux blancs. Et il pouvait y avoir des exceptions, sans doute, mais on ne pouvait pas imaginer que des blancs puissent assister à un spectacle dans lequel il y a des noirs. D'abord, c'était interdit par la ségrégation raciale, dans une bonne partie des États américains. et ce, bien après l'abolition de l'esclavage, dans tous les pays d'Amérique et d'Europe. Donc, les Noirs dans le théâtre étaient représentés par des comédiens blancs qui se grimaient avec du charbon de bois et qui se noircissaient le visage, jouaient des rôles de Noirs. Et invariablement, ces Noirs étaient ridiculisés et ils étaient présentés comme lubriques, stupides, feignants, et tout ce que ça pouvait avoir de péjoratif que d'être noir à cette époque-là. Là, on parle de théâtre. Hein. On parle bien de théâtre. Et aussi de musique, puisque ces minstrels, ces ménestrels chantaient aussi, bien souvent. Roll on, heave that cotton, Harry Clinton Brown. I hear the bell ringing, I see the captain stand. Boat and float a whistle, I know it's by the sand. I hear the mate calling, go get out the plank. Rush up with the head tide and tie it to the bank. Roll out, keep that cotton, roll out, keep that cotton, roll out. Keep that cotton, we cut long the same. Roll out, keep that cotton, roll out, keep that cotton, roll out. Et puis ça a évolué, et ces spectacles qui étaient profondément racistes et qui sont caractéristiques de la mentalité de la ségrégation raciale, qui existe encore dans le sud des États-Unis aujourd'hui. Le président des États-Unis aujourd'hui, quand il y a eu par exemple la fusillade de Charlottesville, qui était perpétrée par des groupes proches du Ku Klux Klan, a dit « ben oui, il y a des gens bien du côté des Noirs, mais il y a aussi des gens très bien du côté des tueurs ». C'est-à-dire qu'on est encore dans une mentalité comme ça, où ceci est toléré jusqu'au plus haut niveau de l'État. On peut l'imaginer, à vous entendre, probablement parcouru les États-Unis un peu d'est en ouest et du nord au sud à bon nombre de reprises. Comment vous appréciez cette ankylose-là? Qu'est-ce qui fait que, selon vous, ces choses-là soient encore autant restées, j'allais dire quasiment, en l'État? Eh bien écoutez, il faudrait regarder non seulement les États-Unis, mais les Caraïbes aussi, et l'Europe. Les questions ethniques sont très très fortes, l'antisémitisme est très très fort en Europe, comme il l'est aux États-Unis d'ailleurs, et toutes les questions liées aux communautés différentes restent quand même des enjeux majeurs aujourd'hui, quelles qu'en soient les raisons, ça on pourrait y passer des heures. Moi ce qui m'intéresse c'est de constater ça, de montrer comment c'est stupide, et de montrer aussi comment les différentes communautés, et notamment les communautés afro-américaines, ont pu apporter des choses à notre culture, ont pu l'enrichir, y contribuer, et l'élever vers quelque chose de nouveau. Je pense que les musiques afro-américaines, c'est ce qui a véritablement compté dans l'histoire de la musique au XXe siècle, et que, n'en déplaise à Stravinsky, que j'apprécie beaucoup, ou à Pierre Henry, ou à qui vous voudrez, hein, ce qui s'est passé, c'est le jazz, c'est le funk, c'est le rap, c'est le rock'n'roll, qui sont des musiques noires. One, two. I came from Alabama with my banjo on my knee. I'm going to Louisiana, my school of poverty. It rained all night the day I left, the weather it was dry. The sun's so hot I froze to death, Louisiana, don't you cry. Oh, Louisiana, don't you cry for me. I come from Alabama with my banjo on my knee. Oh, Louisiana, don't you cry for me. Oh, Susanna, Harry Clinton Brown. I jumped aboard the telegraph and traveled down the river. The next thing flew it magnified and killed 500 niggers. The fool died, but the wheel grew off. I really thought I'd die. I just thought to hold my friends and then don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. I've come from Alabama with my banjo on my knee. Pensez-vous que la guerre civile, qu'on nomme trop souvent guerre de sécession, mais qui est d'abord et avant tout une guerre civile à l'intérieur des États-Unis, a contribué à ankyloser, je reprends le même mot, cette situation, à l'encrister? Non, c'était un vecteur de libération américain, puisque l'idée c'était d'abolir l'esclavage. Mais ce que je pourrais dire sur la guerre civile américaine, c'est qu'elle a créé deux choses. D'abord, un État moderne où il y avait un principe d'égalité qui commençait à venir sérieusement, ce qui a coûté la vie à Abraham Lincoln. Et quand on voit qu'un président des États-Unis peut décider de mettre son pays en guerre pour l'abolition de l'esclavage, alors tout est possible, puisqu'en 1860, quand la guerre a commencé, il était très peu probable que quelqu'un dise « Ben voilà, je suis président des États-Unis, on part en guerre contre les États du Sud et on abolit l'esclavage. » C'est incroyable. Et imaginez que Donald Trump fasse ça aujourd'hui. J'ai beaucoup d'imagination, mais là, j'y arrive pas. Pour fendre le Ku Klux Klan, par exemple, dont il est notoirement proche. D'ailleurs, on en parlait avant l'émission, je pense que de la même manière que le triomphe des droits civiques aux États-Unis qui ont amené le droit de vote pour les Noirs vers 1966-67 a mis le réactionnaire Richard Nixon au pouvoir, de la même manière, je pense que Donald Trump est une réaction à l'élection d'Obama, et ce qui est encore une fois montre bien que la musique, qui est le principal vecteur d'expression des Noirs, des Afro-Américains, la musique est quand même quelque chose de très important dans les arts et dans le mode d'expression des Américains, mais aussi des humains dans le monde entier. Si vous voulez connaître un peuple, écoutez sa musique. Donc, je crois que tout ça nous montre qu'on devrait s'intéresser plus à la musique, et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. Revenons, Bruno Blum, aux minstrels, à ces ménestrels noirs, puisque vous parliez de musique. Qu'est-ce qu'on a comme contenu musical, en sachant qu'il faut peut-être le rappeler, il y a dans ce mouvement-là qui commence aux alentours de 1820 et va se poursuivre même au-delà de la guerre civile, donc un bon siècle d'existence, il y a quand même des troupes blanches et des troupes noires qui certes ne se mélangent absolument jamais, ont chacune leur répertoire. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a affaire, pour ce que vous pouvez en savoir, à des musiques différentes, à des répertoires différents? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Alors, on sait beaucoup de choses là-dessus, puisque Bob Marley a fait une magnifique chanson qui s'appelle Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta, vous connaissez peut-être, qui était un grand succès posthume de Bob Marley en 83. Et cette chanson parle des soldats américains, noirs, qui combattaient aux côtés de l'armée américaine, notamment dans la guerre de sécession, mais après aussi. Et c'était eux qui étaient chargés de tuer les Indiens. Alors que les Afro-Américains souvent se sont métissés avec les Indiens qui les ont aidés à fuir, qui ont aidé les esclaves à fuir, et il y avait une volonté de l'État américain de retourner contre eux les alliés même des Indiens qui étaient souvent les Noirs, puisqu'ils se retrouvaient dans l'oppression. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, les Juifs ont été alliés aux Afro-Américains. Sans s'étendre beaucoup là-dessus, on voit bien que l'histoire du jazz, l'histoire de Blue Note, l'histoire de tous les grands labels, de toutes les grandes musiques américaines du XXe siècle, ont été très liées à des producteurs juifs, à des musiciens juifs, à des arrangeurs juifs, à des organisateurs de spectacles juifs, à des radios contrôlées par des juifs, à des animateurs de radio qui ont donné la parole aux Noirs, etc., et qui ont diffusé les premiers des musiques noires, comme Alan Freed, par exemple, qui est bien connu pour avoir fait ça avec le rock, qui était à l'origine une musique noire. Mais pour en revenir au Blackface Minstrel, on voit par exemple qu'il y a dans le coffret Color Line, il y a une chanson qui était celle que chantait un bataillon noir de la guerre, qui était un hymne de soldats noirs. Donc ça, c'est pas les ménestrels au visage peint, mais le principal, disons, témoignage dans l'historiographie moderne de cette histoire, c'est le premier film sonore. Chanteur de jazz. Le chanteur de jazz avec Al Johnson, qui représente une famille dont le père est rabbin, et le fils décide qu'il va devenir un chanteur de musique populaire au lieu d'être un cantor à la synagogue, c'est-à-dire qu'au lieu de chanter comme son père et ses ancêtres chantaient la musique rituelle, décide de devenir un chanteur de jazz. Au grand dam de sa famille. Au grand dam de sa famille. Bon, et il le fait. Wonderful pals are always hard to find. Avec le visage grimé en noir. Some folks have none. C'est-à-dire qu'on voit à travers ça qu'il y a une évolution du stéréotype raciste vers une valorisation de la musique noire, puisque c'est un juif qui interprète ça et qui, s'il fait ça, c'est parce qu'il aime bien le faire. Donc il y a eu une évolution des Blackface Minstrels et ça a disparu à ce moment-là. Parce que d'abord, c'était trop évidemment raciste. Et qu'on ne pouvait plus faire ça, justement, comme Al Johnson l'a fait dans ce film-là, qui était un petit peu une tentative, je suppose, de tourner la page de ces épisodes racistes et d'essayer de valoriser ça. Or, ce qui est intéressant dans la musique américaine du XXe siècle, à mon avis, ce sont toutes les tentatives de valorisation des musiques afro-américaines. D'un truc honni, dévalorisé, rejeté, vilipendé, lubrique, stupide, fainéant, etc., etc., etc. Le rythme, quelle horreur le rythme, ça fait bouger ton cul. Dans la tradition chrétienne, tout ce qui est lié au sexe, tout ce qui est en dessous de la ceinture, c'est quelque chose de mauvais. Et l'esprit seul peut vous mener à Dieu. Donc si vous incitez à la danse libre, vous commettez un péché de luxure. Ce qui est une constante dans l'histoire des musiques européennes, même s'il existe de musiques de danse libre, comme les leaders polonais par exemple, ou allemands, il y a des choses comme ça qui existent, mais c'est quand même très mal vu par l'Église, et les Noirs sont caractéristiques de ça, parce que eux, ils n'ont jamais dissocié les esprits avec lesquels ils sont en lien pendant leur musique rituelle, avec lesquels ils communiquent à travers les transes. Ils n'ont jamais dissocié les vertus de l'esprit, de l'intelligence, des paroles, avec les vertus du corps, qui sont toujours unies et qui auraient toujours dû le rester. Et ce sont eux qui ont rapporté cet élément-là dans les musiques populaires, c'est-à-dire la notion de danse libre, la notion de draguer une minette dans une boîte de nuit. C'est quelque chose qui ne se pouvait pas se faire jusqu'à ce que les musiques noires arrivent et explosent dans les années 30, sous notamment l'influence d'un juif, Benigno Goodman, qui a été la première vraie star du jazz, après Louis Armstrong, mais qui avait le malheur d'être noir, alors que Benny Goodman, non. Et c'est la mode a commencé en 1935 comme ça, et on s'est mis à danser librement, ce qui n'était pas du tout quelque chose qu'on pouvait faire naturellement avant, puisque toutes les danses précédemment étaient très coincées et très codifiées, etc. Et donc la ségrégation raciale a réellement commencé à reculer quand ceci est arrivé. Et puisque nous sommes en train de parler de la ligne de couleur et de la ségrégation raciale, il me semble logique d'aller plus loin et de dire que le XXe siècle a été bouleversé par ces musiques qui ont exprimé à la fois ce sens du rythme, mais aussi ce sens de la valorisation de personnes, dont les livres d'école, même le livre de Paul Bert, qui a sa rue dans chaque ville de France. Paul Bert était un horrible raciste qui expliquait, dans les livres d'avant de la guerre de 14, qui expliquait que les Noirs étaient des êtres inférieurs, qu'ils étaient moins intelligents que les Blancs. C'était ce que mon grand-père a lu à l'école. Et aujourd'hui, le regard sur les Noirs a changé, notamment grâce au triomphe de ces musiques qui ont été adoptées par presque tout le monde aujourd'hui. Il y a bien d'autres éléments qui sont venus de ces musiques qui ont fait reculer cette ligne de couleur, qui ont fait reculer la ségrégation raciale, tout simplement parce que les Afro-Américains, leur mode d'expression, c'est d'abord la musique, bien plus que la littérature, le cinéma ou autre. Josh White, Jim Coltrane. Can't you hear that train whistle blow? Can't you hear that train whistle blow? Can't you hear that train whistle blow? Oh Lord, this train is Jim Crow. On vous retrouve demain, Bruno Blum, pour évoquer d'autres sujets impliquant notamment les relations humaines entre noirs, blancs et métis à travers la musique. Il sera notamment question de la Harlem Renaissance. À demain. Stop the train so I can ride. Stop Jim Crow so I can ride. Stop Jim Crow so I can ride. Black and white folk riding side by side. Tous les titres ou coffrets évoqués dans cette émission sont disponibles sur fremont.com. Train whistle blow, can't you hear that train whistle blow? Can't you hear that train whistle blow? Oh Lord, this train is Jim Crow. Ladies and gentlemen. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. And a mercy beaucoup for me. Vous écoutez la première, il est 14h.